non sapeva della tua pazzia di cane. Labirinto d'amore, divertimento primo, le papillon, fesellivation, à la rose de sucre. Les papillons fait célibation à la joie douce. La rose de sucre. Les papillons fait célibation à la rose de la joie douce. Et douce fait ses vibrations, ton corps en fleur écume. Et douce écume tremble à la plage de ton corps à la nage. Ma joie dans la rivière et lui sente de ses lèvres obscures. Ma joie dans la rivière obscure et lui sente de tes lèvres. Rose qui parfume en silence la cheminée en blessure. Rose qui en silence parfume la blessure en feu.